doudou au poil blanc. Je t'ai posé un lapin. J'avais peur que tu me racontes ta vie. J'en ai déjà tant entendu. J'ai fui avant que tu n'arrives. J'ai fui sans panache ni grâce. Je mesurais mon audition. Mince, elle était parfaite. Est-ce que la vie n'est qu'une torture? Il n'y a personne qui cherche à l'animal de compagnie. Texter une violente fièvre comme excuse de cette absence troublante. J'ai senti ta voix courroucée. C'est ainsi lorsqu'un rêve vous plante. Change de suis moi, je vais prendre un chien. Un chien, ça vous aime pour deux. Quand votre cœur est pris de torpeur, un chien, ça vous aime, même si.